Bonjour cher Emmanuel et bonjour à tous. Que vous évoque le mot pornographie ? Une réalité sulfureuse et effrayante ? Un plaisir coupable ou un danger public ? Peu importe qu'on l'approuve ou qu'on la condamne, la pornographie existe, ou plutôt, les films porno existent. Et pour mes deux invités aujourd'hui, loin d'être un simple mot, le porno est un objet de recherche et une pratique. Bonjour Ludivine de Mol. Bonjour. Vous êtes enseignante à l'Université Paris 8, Vincennes-Saint-Denis, et le travail de thèse que vous êtes en train de rédiger s'intitule « La consommation pornographique dans la construction identitaire genrée des adolescentes », c'est bien ça ? Oui. Et bonjour Céline Tran. Bonjour. Vous êtes directrice de la collection de bandes dessinées Porn Pop aux éditions Glénat, et vous avez pendant longtemps été actrice de film X sous le pseudonyme Katsuni, une expérience que vous avez racontée dans un livre qui est sorti l'an dernier aux éditions Fayard, « Ne dis pas que tu aimes ça ». Bienvenue à toutes les deux sur les chemins de la philosophie. Il y a fort à parier qu'il, s'il est un type de discours sur la pornographie qui vous énerve l'une et l'autre, c'est celui-ci. L'enquête a été réalisée au printemps. Elle révèle que 37% des jeunes, plus d'un tiers, ont déjà visionné un programme à caractère pornographique. Près d'un garçon sur deux, 28% des filles. À l'âge où la sexualité psychique se développe, la confrontation à de telles images peut provoquer des crises d'anxiété, des troubles du sommeil et conduire à une représentation faussée des rapports sexuels et amoureux. Or, 21% des 14-24 ans regardent du porno au moins une fois par semaine, 9% tous les jours. Une addiction qui va souvent de pair avec une forte consommation d'écran, notamment sur les réseaux sociaux ou les jeux vidéo. Si les parents exagèrent l'exposition de leurs enfants au porno, 52% pensent que leur enfant en a déjà visionné, ils sous-estiment fortement la fréquence de consommation. Seuls 7% imaginent que ces visionnages peuvent intervenir au moins une fois par semaine. Alors on apprend que 9% des 14-21 ans regarderaient des pornos tous les jours. C'est le résultat d'une enquête rapportée par France 3, c'était le 21 juin dernier. Vous remarquerez qu'ici les films pornos sont associés à ce qu'on trouve de pire chez les jeunes, les écrans, les réseaux sociaux et les jeux vidéo, les trois activités sans cesse condamnées. Donc le porno en fait partie, Ludivine de Mol. Oui, la pornographie est concernée et les écrans, comme vous le dites, et aussi le fait que ce soit des jeunes. On touche là à trois paniques morales, en fait, qui sont la représentation de la sexualité. Ça cause toujours problème quand il y a une représentation de la sexualité. Un public qu'il faudrait surveiller, les jeunes. Hein, on en parle dans la pornographie, les jeux vidéo, la drogue, l'école, le fait qu'ils sortent tard le soir... etc. Ce serait un public en plus qui serait une espèce d'éponge et qui croirait absolument tout ce qu'on lui dit et tout ce qu'il voit. Et le troisième qui fait donc référence aux écrans. Donc ça, on va le retrouver dans les jeux vidéo, le fait que les jeunes seraient addicts à leur téléphone portable. Oui, le phénomène d'addiction. Oui, voilà, c'est quelque chose qui revient assez, assez régulièrement et qui peut poser des problèmes un peu épistémaux parce que, en fait, dans le tableau clinique des addictions, d'addiction sans objet, c'est-à-dire sans substance chimique venant modifier la chimie du cerveau, on a entre autres la honte et la culpabilisation, en fait. La honte de devoir regarder des films porno, par exemple, ou de passer du temps sur les jeux vidéo. Donc voilà, c'est quelque chose d'assez polémique ou en tout cas non décidé. On ne sait pas trop ce que c'est qu'une addiction sans objet et ça soulève beaucoup de fantasmes. Céline Tran, pour vous, quand vous entendez parler de l'utilisation des films porno de cette manière-là, on parle d'une autre réalité ? Alors en fait, moi ce que j'ai entendu ne m'a pas mise en colère ni choquée parce qu'effectivement il y a une vraie inquiétude qui est légitime et effectivement des images qui peuvent être mal comprises peuvent laisser parfois des traumatismes ou des complexes et donc c'est effectivement une urgence je pense en tant qu'adulte de communiquer davantage sur la sexualité et sur la pornographie auprès des plus jeunes mais sans être... En fait, le problème, c'est que quand on en parle bien souvent à travers bon des chiffres. J'aimerais savoir d'où viennent ces chiffres, comment ils ont été, comment on les a obtenus, et ensuite d'être très spécifique sur les termes parce que on a tendance à parler de la pornographie. Au travers des déviances, du danger, du terme de l'addiction qui est quand même très spécifique. On parle d'addiction quand, lorsqu'on n'a plus la possibilité de consommer, justement, là en l'occurrence, des programmes, des vidéos X, on est dans le mal-être, on n'est pas en mesure d'avoir une vie sociale normale. C'est un terme qui est quand même très très fort. Est-ce qu'on peut pas parler plutôt d'habitude ou d'accoutumance ? Donc je pense qu'il faut déjà peut-être trouver les nuances. Il y a un constat, effectivement, à savoir que les plus jeunes sont exposés de plus en plus à ce type de contenu, ils ont plus facilement accès, mais plutôt que de tirer la sonnette d'alarme sur un tout petit pourcentage, je pense qu'il faudrait surtout s'intéresser à la majorité et de parler de décryptage par rapport à l'image, d'expliquer aux jeunes, ok, vous avez, c'est notre faute en tant qu'adulte, vous avez ce contenu qui est disponible gratuitement sur le web, à nous d'ailleurs de restreindre la diffusion et à nous aussi de vous expliquer la différence entre ce que vous voyez dans les vidéos et la sexualité. Mais alors, quel est le danger représenté par ces films X ? Le danger, c'est d'imposer un modèle et de faire croire aux jeunes qu'il faut. Il faut absolument vivre sa sexualité comme dans un film. Parce qu'effectivement, même si j'ai beaucoup aimé ma carrière dans le porno, je dois reconnaître, et parfois d'ailleurs je reconnais aussi que ça m'a franchement saoulée en tant qu'actrice, on est toujours quand même dans un modèle assez répétitif où l'homme où le rapport sexuel commence avec l'érection de l'homme, ou bien souvent il y a la fellation, 3-4 positions et on termine avec une éjaculation faciale. Il se trouve que c'est une recette entre guillemets qui fonctionne très bien sur le consommateur en général, en tout cas masculin, parce que c'est un stimuli. Il faut quand même rappeler que les vidéos X sont du contenu masturbatoire, donc on cherche à montrer quelque chose d'efficace avec des pratiques voilà, qui vont être stimulantes, mais on n'a jamais dit que c'était un modèle à suivre. Mmh. Donc je pense que le plus important, effectivement, c'est de leur dire, écoutez, là on a un show qui est assez caricatural, tant mieux si ça vous procure de l'excitation, mais n'oubliez pas que c'est un jeu avec des règles, un jeu pour adultes. Et la sexualité, c'est avant tout un langage intime, c'est à vous de l'explorer dans votre rapport à votre corps et dans votre relation à votre partenaire. On va revenir sur la distinction entre pornographie et sexualité. Ludivine de Mol, c'est aussi un danger pour vous, ce que représente la consommation des films X chez les adolescents et chez les adolescentes, puisque c'est sur elles que vous travaillez. Alors moi, je trouve que c'est extrêmement difficile de répondre à cette question, parce que déjà, pour moi, il est extrêmement important de remettre la pornographie dans le contexte où elle est produite. C'est-à-dire que l'un des reproches majeurs qu'on fait à la pornographie, c'est sexiste, avilissement de la femme, domination de la femme, etc. Chose avec laquelle je suis en partie d'accord. Une partie de la pornographie est effectivement comme ça. Donc je rappelle en plus que quand on parle de cette pornographie, on parle généralement de pornographie hétérosexuelle. La pornographie qui mettra en scène des couples gays, lesbiens ou autres, n'est absolument pas visé par ces reproches. Hein. Et on va en plus viser une pornographie hétérosexuelle assez particulière qui est... Enfin, on peut trouver aussi des pornographies sans rapport de domination. Donc là, on parle vraiment d'une pornographie particulière. Enfin bref, je voulais dire, il ne faut pas qu'on la sépare de la société dans laquelle elle est produite. C'est-à-dire que notre société présente déjà des structures de domination des hommes sur la femme. Je vais m'expliquer un petit peu plus. Mmh. Vous promenez dans l'espace public, vous avez à peu près partout des images objectifiant déjà les femmes, que ce soit pour vendre une voiture ou de la lingerie. Vous regardez un film, je ne sais pas, moi par exemple James Bond, j'aime bien cet exemple. Vous regardez bien, les femmes qui sont présentes dans les films de James Bond, elles ne servent qu'à valoriser la masculinité de l'homme. C'est-à-dire que je crois qu'il y en a une qui est méchante et toutes les autres y couchent avec. Et vous pouvez prendre à peu près n'importe quelle... Enfin, il couche aussi avec les méchantes d'ailleurs. Je suis pas assez fan de James Bond pour savoir ça. Ok, bon d'accord. Il couche aussi même avec les méchantes. Donc, oui, encore les méchants, ça j'ai pas encore. Non, parce qu'il faut valoriser une certaine masculinité hétérosexuelle. Et c'est quelque chose qu'on va retrouver en fait dans énormément de productions culturelles. Hein. Reprenez la chanson française, hein, que ce soit Johnny ou quoi que ce soit, qui vante un espèce d'amour... presque violent, de « tu m'appartiens », etc., « je ferai tout pour toi ». Donc, à peu près partout, en fait, vous allez retrouver une espèce de la sexualité et l'amour des femmes doit être tourné vers les hommes, et les hommes, c'est quelque chose d'extrêmement valorisant de posséder, et j'utilise le mot « posséder » en sachant ce qu'il signifie, avec tout le poids qu'il peut comporter, de posséder cet amour et cette sexualité. Donc, est-ce que c'est dangereux pour les jeunes de regarder de la pornographie ? Je trouve que c'est presque pas la bonne question à se poser. Ça véhicule des clichés sexistes, c'est ce que vous dites, mais qui existent indépendamment de la pornographie. Voilà, je pense que si on supprimait la pornographie, en fait, ça résoudrait absolument aucun problème, puisque on trouve déjà en fait des actes de domination des hommes sur les femmes dans à peu près toutes les productions culturelles. Et vous faites aucune distinction de degré entre la domination du mâle blanc hétérosexuel qui va coucher avec ses conquêtes dans un James Bond et une femme qui se fait attacher, fouetter et pénétrer dans un porno. Bien sûr que si, il y en a une, c'est la représentation génitale, mais la violence, c'est un continuum, c'est quelque chose, par exemple, on parle de culture du viol, pour bien montrer qu'il y a des actes qui peuvent, c'est une espèce de graduation dans la violence, effectivement, il y a une différence, mais n'empêche que absolument toutes les productions culturelles vont parler de façon non génitale de rapports de genre entre les hommes et les femmes. Mmh. Comment est-ce que les femmes doivent attendre, enfin je caricature mais même pas tant que ça quoi. Elles doivent coucher pour leur première fois avec quelqu'un qu'elles aiment, qu'elles doivent être amoureuses et puis il faut qu'elles fassent bien attention parce que si elles le choisissent mal, c'est un peu de leur faute quand même. Hein. Il faut vraiment qu'elles soient bien amoureuses, etc. Toute la société dit déjà aux filles qu'il faut un peu tourner leur sexualité vers les garçons. La sexualité des femmes, en dehors de l'acte hétérosexuel avec leur conjoint, est dévalorisée. Qu'elle se masturbe, qu'elle regarde du porno, qu'elle fasse du porno, qu'elle soit travailleuse du sexe, qu'elle se prostitue, etc. Toute sexualité féminine en dehors du cadre hétérosexuel est mal vue, est mal considérée. Céline Tran, quand vous décidez d'entamer une carrière dans le X, à quel désir est-ce que ça correspond? C'est une curiosité par rapport à ce milieu, par rapport à votre corps, un désir de provoquer, de correspondre à cette femme véhiculée par ces films? Alors, juste petite réaction par rapport à ce qu'elle a dit. Enfin, je pense vraiment que c'est en train de changer, parce qu'on parle beaucoup de plaisir féminin aujourd'hui, de porno féminin, voire féministe. Il y a l'explosion des sextoys. D'ailleurs, voilà, l'une des BD que je sors chez Glénat, c'est Le Guide du Sextoy, où on parle vraiment d'exploration du plaisir féminin, mais aussi du couple. Donc, il y a quand même je pense qu'il y a justement, avec le coup de gueule général de cette vision hétérosexuelle et très caricaturale, il y a quand même des choses qui sont en train de bouger et dans le porno et aussi dans le cinéma. Enfin voilà. Mais à l'époque, vous avez commencé, c'était encore plus fort. Mais quand j'ai commencé, la caricature de la femme dans les films porno. Oui, mais en fait, moi, quand j'ai commencé, alors je vais vraiment parler comme un dinosaure, mais c'était encore l'ère de la cassette vidéo. On commençait tout juste à aller vers le DVD, donc évidemment il n'y avait pas l'ère internet, et donc le porno était vraiment transgressif. On le trouvait dans les sex shops qui certes avaient un côté un peu glauque, qui ressemblait à un point de rendez-vous pour les pervers. N'empêche que moi je trouvais ça très excitant, et surtout les films que j'avais sous les mains à ce moment-là, c'était les cassettes vidéo extrêmement chères des productions américaines de Vivid ou de Wicked Pictures avec Gina Jameson, et où vraiment les femmes vraiment été sublime, et où je me disais waouh, ce sont des Wonder Woman du sexe. Donc vous enviez ces femmes-là. Bien sûr, et ça me paraissait inaccessible. Et quand j'ai commencé le X, alors après j'ai eu d'autres images aussi beaucoup plus hard en tête, mais qui m'ont aussi inspirée. J'ai vraiment abordé ce métier avec une envie pas du tout carriériste, mais vraiment d'explorer la sexualité à travers ce mode-là, qui certes est marginal, mais qui d'ailleurs m'a apporté énormément d'expérience et m'a permis de réaliser des fantasmes et d'apprendre sur les hommes, sur les femmes, et pas seulement à travers la sexualité, parce que finalement, enfin pas à travers seulement le rapport sexuel. Quand on parle de sexualité, on parle de libido, d'imaginaire, de tout l'aspect psychologique. Donc ça a été, en tout cas en ce qui me concerne, je parle pas au nom des autres actrices, ça a été extrêmement enrichissant. Mais je suis très contente aussi d'avoir arrêté, parce que finalement ma vraie sexualité a commencer après. Mais alors voilà, ça, on est sur la distinction entre pornographie et sexualité. On va écouter un extrait très court pour aborder cette question-là, pour questionner justement l'impact réel, si on tentait qu'on puisse le mesurer, de la consommation des films porno sur la sexualité. Écoutez cet extrait. Le film s'appelle Poil sous les roses, et c'est un individu qui veut écrire une lettre d'amour à la personne qu'il aime et qui s'y prend un peu mal. Mange, Tony. Ouais, vas-y. Voilà. Cher Oudoudou, sans vraiment te connaître, je peux t'affirmer que je t'aime car tu es très sensuel et tu dégages une chaleur folle. Ton cul et ta chatte me plaisent. J'aimerais te brouter, te faire des fist fucking. Ma bite est à toi, Romain. Ouais, c'est pas mal. Ça va? Ouais, la fin est pas mal, surtout la fin. Alors voilà ce film d'Agnès Obadia et Jean-Julien Chevrier qui déjà a 18 ans aussi, hein, vous disiez, je parlais de moi comme un dinosaure, Céline Tran, mais c'était il y a 18 ans, à peu près au moment où vous avez commencé d'ailleurs, je crois, votre carrière dans le X. De manière humoristique, voilà les types de travers qui peuvent effrayer, qu'on peut redouter en se disant, mais si les jeunes découvrent le porno avant de découvrir leur sexualité, ils vont plus faire la différence. Est-ce que c'est pas une forme de mépris à l'égard de ces soi-disant jeunes que de partir du principe qu'ils ne font pas la différence entre ce qu'ils regardent sur un écran fait par des personnages, c'est ce que vous dites, Céline Tran, ce sont des personnages, des presque des personnages de Marvel, des super-héros, et leur propre sexualité, Ludivine de Mol. Si, c'est les considérer comme des incapables de réflexion et de regard critique vis-à-vis des images qu'ils ont devant eux et elles, alors que devant une comédie romantique, par exemple, ils se doutent bien que ça se passe pas vraiment comme ça et que, enfin, ils se font pas vraiment d'illusions. Comment est-ce que vous, dans votre travail, vous arrivez à mesurer le lien, puisque c'est vraiment le sujet de votre thèse, entre la consommation des films porno et la sexualité chez les adolescentes? Ce qu'il faut garder à l'esprit, c'est que quand on accède à une production culturelle, je vais ouvrir large pour qu'on comprenne mieux, hein, pornographie comprise ou que ce soit un tableau, on arrive avec notre propre grille du monde, notre propre sensibilité, on a déjà appris des choses, c'est-à-dire que je vous mets une œuvre d'art devant vous que vous n'avez jamais vue, vous allez avoir un avis. Vous avez déjà, pas parce que vous connaissez la personne qui fait ça, pas parce que vous connaissez le courant, pas parce que vous connaissez l'histoire du tableau, mais vous avez un avis esthétique, sensible. Pour la pornographie, c'est exactement pareil. Quand quelqu'un va accéder à du contenu pornographique, en fait, et c'est pareil chez les jeunes, ils et elles ont déjà un avis là-dessus. C'est-à-dire que, par exemple, pour les filles, donc c'est un peu moins vrai, mais avant, les filles, quelque chose qui pouvait revenir souvent, c'était « je ne regarde pas de pornographie parce que je suis une fille ». Donc, en fait, avant même d'avoir regardé de la pornographie, elles avaient déjà un avis dessus. Et c'est à peu près pareil pour tous les jeunes, en fait, ou pour n'importe qui. Avant d'accéder à la pornographie, vous avez déjà un avis sur la pornographie. Pourquoi ? Parce qu'en fait, la pornographie en elle-même est vecteur de discours, certes, et produit du discours, mais il y a aussi un discours qui entoure la pornographie. Donc, on a beau essayer de ne pas parler porno ou sexualité devant les enfants et devant les jeunes, en fait, tout en parle. Je disais tout à l'heure que dans toutes les productions culturelles, on pouvait voir donc des rapports de genre. Bah, la sexualité, c'est toujours pareil. En fait, on en parle à longueur de journée. Donc, on ne va peut-être pas dire les mots chat, bite, anus, etc. Mais en fait, on va quand même en parler. Ça, c'est le sexe plus que la sexualité. Évoquer le nom des sexes, ça ne veut pas dire parler de sexualité, qui est quand même un acte qui est différent de juste le fait de nommer. Oui, mais même la sexualité, en fait, on en parle. Même les films. Alors, j'ai perdu le nom de ce film, où en fait, il doit sauver le monde. Je vous la fais rapide. Hein, il doit sauver le monde. Et en fait, il y a la princesse de Suède qui lui promet. Kingsman. Merci, Kingsman, c'est ça. Et qui lui promet, en fait, une partie de jambes en l'air quand tu l'auras sauvé le monde. Bah voilà, ça parle de sexualité, en fait. Mmh. Ça parle du fait que la femme dédie sa sexualité à l'homme et que l'homme doit abattre un dragon ou sauver le monde. Enfin, c'est toujours la même histoire. Hein. Et dans ce cas, il pourra accéder à la sexualité de la femme qui est son cadeau ultime de remerciement. Enfin, ça marche toujours de la même façon, en fait. La sexualité des femmes est utilisée dans la majeure partie des cas, hein, pas toutes. Et effectivement, ça commence à changer. Il y a même un porno émergent qui déroge complètement à cette logique pornographique majoritaire, celle dont on parle dans les médias. Et donc on voit en fait que la sexualité des femmes est utilisée comme marchandise à destination des hommes et que en fait les hommes accéderont à la sexualité si jamais ce sont des hommes bien. Mmh. Mais alors quelle différence faites-vous entre pornographie et sexualité ? Bah, je trouve que la mise en image et même ça en fait c'est extrêmement compliqué pour moi parce que donc généralement on va me dire oui mais il y a une représentation, on se met en scène dans la pornographie. Effectivement, hein, y a une équipe de tournage, il y a trois caméras, il y a un ingé son, il y a une préparation, enfin c'est pas un acte sexuel comme dans sa chambre à coucher par exemple. Mais en fait, il y a quand même une certaine représentation et une certaine mise en scène dans la sexualité. Alors je parlais de la conjugalité dans la chambre, de la sexualité dans la chambre exprès, il y a quand même une certaine mise en scène, donc je sais pas moi, je vais choisir certains sous-vêtements et pas d'autres, je vais choisir une certaine position parce que je sais que mon ou ma partenaire va aimer cette position, je sais que je vais plutôt avoir cette pratique-là parce que mon ou ma partenaire et moi, on aime particulièrement cette pratique. Donc en fait, la mise en scène, elle existe déjà dans la sexualité. Il y a déjà une mise en scène de soi et de sa sexualité à l'intérieur même enfin, même si on enlève les caméras et le fait d'être diffusé après sur une plateforme. Céline Tran, vous avez dit, c'est quand j'ai arrêté ma carrière d'actrice X que j'ai découvert ma sexualité. C'est-à-dire qu'il y a vraiment une distinction entre les deux pour vous. Oui, alors la sexualité que j'ai vécue sur les tournages m'a plu, même s'il y avait le côté artificiel. Parce qu'en fait, à partir du moment où c'est un métier, bah, il faut être professionnel. Et quand on s'est engagé pour un tournage, c'est très simple. À 10h, on a telle scène avec tel partenaire. On a tout validé à l'avance. Mais voilà, il y a un rapport au corps qui est spécifique, parce que c'est notre outil de travail, comme peuvent le faire les danseurs ou les sportifs de haut niveau. Et il y a rien de dégradant là-dedans, en fait. Je l'ai toujours bien vécu parce que ça a toujours été un choix, et surtout j'ai toujours cherché à utiliser ce travail pour en tirer du plaisir. À partir du moment où c'était ma démarche, forcément, déjà psychologiquement, ça joue beaucoup, parce que quand on est dans la contrainte ou quand on se cherche, évidemment, je pense que c'est un métier qui peut être très destructeur, mais bon, en tout cas, pour moi, c'était une forme d'exploration. Et quand j'ai arrêté, au bout de 13 ans, cette sexualité de tournage était tellement ancrée qu'au bout d'un moment, je me suis dit, mais finalement, qu'est-ce que j'aime, moi, en tant que femme? Est-ce que certaines pratiques que j'ai vraiment découvertes sur les tournages X, parce que j'ai commencé à 21 ans, est-ce que ça je l'aime parce que finalement, parce qu'on me l'a toujours demandé sur les tournages, et ça y est, je l'ai intégré? Ou finalement je le faisais par automatisme, et donc j'ai dû réapprendre justement à retrouver mon corps et à me dire ok, là il n'y a pas de caméra, c'est flippant d'ailleurs, parce que d'un seul coup je me suis retrouvée libre de faire ce que je voulais. Et sans contrat de livrer un spectacle et de surjouer et de se positionner. Et d'ailleurs, c'est un plaisir énorme d'un seul coup de se dire je peux avoir les cheveux dans la figure et je ne suis pas obligée de faire la super pose. Et surtout, d'un seul coup, la sexualité est redevenue pour moi un acte d'intimité, où vraiment je pouvais être beaucoup plus que dans le rapport, la rencontre des corps. Alors j'ai été amoureuse durant ma carrière, j'ai quand même vécu des moments d'intimité, mais c'est vrai que quand on est actrice, on a une distance par rapport à son corps. Et le fait d'avoir été m'a fait énormément de bien. Donc ça a été un réapprentissage. Mmh. Et aujourd'hui, au bout de 5 ans, je dois bien admettre que non, si j'ai choisi de faire du X, et si j'y suis restée aussi longtemps, ce n'est pas un hasard. C'est que j'ai effectivement une attirance pour des pratiques sexuelles qui peuvent paraître hors normes. Et donc, il y a plein de choses que je faisais dans les films que je continue dans ma vie intime. Et voilà, le plus important pour moi, c'est pas une histoire de... C'est pas de positionner le débat sur les pratiques sexuelles, parce que de toute manière, elles évoluent en fonction des pays. Il y a beaucoup de pays ou d'États américains où, par exemple, la sodomie est illégale. Donc, pour moi, ça sert à rien de se concentrer sur les pratiques sexuelles, mais surtout de se concentrer sur qu'est-ce qu'elles représentent et quelle intention elles apportent. Parce que on m'a évoqué, par exemple, le fait qu'aujourd'hui, les jeunes filles, lors de leur premier rapport, vont plus facilement pratiquer la fellation, et certaines personnes vont s'offusquer de ça. Moi, j'ai envie de me poser la question, ok, mais oui, mais elles le font dans quelle est la manière de le pratiquer? Parce que il faut arrêter de considérer la fellation déjà comme un acte humiliant, avilissant pour la femme, comme si le sexe de l'homme était quelque chose d'horrible et de sale. Pourquoi est-ce que d'un côté le cunnilingus serait une pratique noble et la fellation serait d'un seul coup quelque chose d'avilissant? Ce qui est avilissant, c'est de se sentir obligé de faire quelque chose et de ne pas en tirer du plaisir. Voilà, moi c'est vraiment la leçon que j'ai tirée de cette expérience. Et peu importe ce qu'on fait, ce qui importe, c'est comment on veut le partager. Vous insistez beaucoup sur le plaisir, Céline Tran. Vous avez prononcé le mot à plusieurs reprises. Et votre livre s'appelle « Ne dis pas que tu aimes ça », précisément en référence à ce plaisir que vous preniez à travailler dans le milieu porno, alors qu'on vous disait « là, déjà vous travaillez dans le milieu porno, ne dites pas en plus que ça vous plaît, il a fallu vous autoriser à exprimer ce plaisir ». Oui, moi je me suis toujours autorisée à le dire, parce que mon discours a toujours été très clair. Je fais du porno parce que j'aime ça, et j'ai arrêté parce que j'ai arrêté d'aimer ça, en fait. Donc, et aujourd'hui je parle de sexualité parce que justement ça me plaît, et finalement ça a toujours été très simple, et il me semble plutôt sain. Mais aujourd'hui il se trouve que finalement avec le temps les mentalités changent, et aujourd'hui il semble que les gens m'apprécient justement pour cette franchise-là et pour le fait que j'ai montré une forme d'intégrité. Mais quand j'ai commencé, et durant plusieurs années, c'était pas si simple. C'est-à-dire qu'avant de faire des interviews, bien souvent on me disait « Bon, écoute, tu vas pas pouvoir dire que t'aimes le porno, parce que là tu cumules, en fait. Ça fait beaucoup trop de tabous. Surtout qu'il y a également la notion d'argent. Donc là, en France, faut surtout pas en parler. Donc, il faut un discours, je suis désolée, mais il faut un discours féministe d'un seul coup pour dédramatiser, dire « Non, mais tu fais ça parce que quand même, tu revendiques le plaisir féminin. » Ou alors, dis que tu as été abusé dans ton enfance, ou alors dit que tu le fais qu'avec ton mec parce qu'au moins ça sera politiquement correct, tu restes un peu plus pur. Et en fait, moi, ça a toujours été très simple. C'est non, j'aime vraiment avoir des rapports sexuels filmés, et j'aime cette idée que des gens vont en tirer du plaisir. Et c'est tout ce que j'explique dans mon livre. Et finalement, ça crée une forme de complicité et de lien de confiance, puisqu'aujourd'hui, des gens viennent me consulter pour avoir des conseils en sexualité, parce qu'ils se disent, ok, j'ai mes fantasmes qui sont un peu inavouables, j'ai mes blocages et mes complexes, parfois d'ailleurs parce qu'ils ont consommé des films X, et pour certains, ils ont même 50 ou 60 ans, donc c'est pas que les ados. Et ils savent que je vais pas les juger parce que finalement, le principal, c'est d'en parler et puis de trouver sa sexualité, parce que c'est avant tout quelque chose de personnel. Et dans quelle mesure, justement, l'utilisation et la consommation des films porno peut nous aider à découvrir sa propre sexualité? Je vous propose un autre extrait qui est assez intéressant, un extrait de film, parce qu'il met en scène cette frontière très poreuse entre sexualité et pornographie. Vous parliez de mise en scène de la sexualité, Ludivine de Mol. C'est ce qui se passe dans cet extrait de film d'Eva Husson, Bam Gang. Moi aussi, j'ai toujours voulu que ma première fois, elle soit spéciale. Ça, c'était plutôt spécial, là, non? Puis maintenant, tu l'as en vidéo. Mais non, mais je te parle d'une première fois que personne n'a jamais eue. Ah, mais bon, ça, je suis désolé de te décevoir, mais quoi qu'on fasse, une première fois, ça reste plutôt basique au niveau de la procédure. À moins qu'on fasse quelque chose avec la vidéo. Quoi? Tu veux faire une projo au lycée? Fais gaffe, tu vas avoir un fan club. Non, t'es con, moi. Je sais pas, j'ai même l'idée que ce soit un truc secret que les gens puissent voir. Après, je suis peut-être un peu bizarre. Mais un truc anonyme, hein, je veux pas être la nouvelle Paris Hilton. Ou avec un faux nom. Enfin, t'inquiète pas, dans Paris Hilton, il y a Hilton. Laetitia Martin, ça va un peu moins durer. Vous écoutez France Culture, Les Chemins de la Philosophie. Nous parlons de pornographie cette semaine. Aujourd'hui, en compagnie de l'enseignante à l'Université Paris 8, Vincennes-Saint-Denis, Ludivine de Mol, et de Céline Tran, que vous connaissez peut-être, sous son autre nom. Est-ce qu'on l'a prononcé, votre autre nom? Je crois. Donc, c'était Katsuni. La mise en scène de la sexualité telle qu'on l'entend dans ce film, Ludivine de Mol, pose vraiment la question de savoir, mais finalement, c'est à partir du moment où on peut désirer être filmé, même penser qu'on tirait plus de plaisir en étant filmé pour sa première fois, là, on n'est pas du tout dans un registre porno, qui consommation de film, on devient l'acteur de son propre film. Est-ce que cette limite, elle est pas très importante en réalité? Non, elle n'est pas très importante. En fait, elle fait appel, c'est ce que j'essayais de vous dire tout à l'heure dans la mise en scène de soi, c'est pas parce qu'on introduit un élément technique que ça en change... Enfin, ça peut en changer la portée, mais tout ne cristallise pas autour de l'importation d'une technique dans l'acte sexuel. Au-delà de ça même, ça peut autoriser la personne qui regarde. Il y a peut-être une éducation à la sexualité par le film porno, dans le bon sens du terme. Alors... Je sais pas, c'est une question un petit peu complexe, premièrement parce que quand on montre quelque chose à l'image, il faut bien garder à l'esprit que c'est, le mot est pas le bon, mais c'est une réalité parmi d'autres, c'est-à-dire que quand vous regardez un film porno, c'est quand même une sexualité que vous regardez d'acteurs, certes, d'acteurs et d'actrices, mais ça reste une sexualité parmi d'autres. Et par contre, ce qu'on sait, c'est que, par exemple, les films porno gays ont permis à certains hommes de comprendre qu'ils n'étaient pas anormaux. Et d'ailleurs, Richard Dyer, dans les années 80, a écrit un article sur la pornographie gay, où il explique que la pornographie gay a contribué à construire une culture gay et a permis à des hommes de reconnaître et se dire « Ah bon, en fait, je suis attirée par des hommes, personne n'en parle autour de moi, je ne suis pas fou en fait, je suis quelqu'un de normal ». Et d'autres personnes partagent exactement la même chose que moi, etc. Donc en fait, c'est à double tranchant dans le sens où il ne faut pas que ça véhicule une norme, mais à partir du moment où vous voyez quelque chose, vous en avez une certaine représentation et reste à savoir quel est son poids par rapport aux autres représentations de cette même chose, ici la sexualité. Et en même temps, ça peut justement montrer d'autres sexualités auxquelles on n'avait pas forcément pensé et qui pourraient venir nous dédramatiser dans le fait d'aimer ça. Céline Tran, vous l'avez vécu ainsi en tant qu'actrice, que cette espèce de modèle que vous incarniez pour des adolescents ou adolescentes? Alors moi, je tiens vraiment à le dire, j'ai jamais voulu être un modèle, parce que vraiment, quand on se lance dans le porno, on se dit pas « je pars dans un projet humanitaire » ou « je veux être un modèle, un exemple pour les jeunes générations ». C'est un choix assez égoïste, en fait, tout simplement, où vraiment je ne pensais qu'à moi, où j'ai mis d'ailleurs aussi de côté mes proches et ma famille. Vraiment, c'était une exploration personnelle. Ouais. Et surtout, moi, ce qui m'intéressait dans le porno, en sachant qu'en plus, je le précise, il n'y avait pas encore là d'internet, donc c'était quelque chose de caché. Donc je savais qu'a priori c'était, j'étais persuadée qu'a priori ça ne serait regardé que par des adultes dans un cercle vraiment fermé, par des gens qui sont consentants, qui veulent voir ce type de contenu. Et ensuite, moi, c'était le fait de le vivre plutôt que de le regarder. D'ailleurs, j'ai rarement regardé mes films que souvent je trouve pas terribles et plutôt moches, parce que moi, ce qui m'excite beaucoup plus finalement, c'est la littérature. C'est pour ça que je fais de la BD d'ailleurs. Donc voilà, c'était surtout pour explorer, et en même temps, ça a été effectivement une très belle manière de tester des types de sexualité, de toucher des corps différents. Et quand on parle du porno, on a tendance à ne parler, malheureusement, mais c'est aussi logique, de ce qui est accessible gratuitement. Et bien souvent, c'est du contenu cheap, c'est quelque chose de très expéditif qui se veut, encore une fois, très efficace, avec beaucoup de perf ou voilà. Mais le porno, ce n'est pas que ça. C'est extrêmement varié. Au contraire, il y a tout type de corps. Ce ne sont pas que des femmes refaites. Il y a, il y a des filles de 20 ans, mais il y en a aussi des plus âgées. Il y a de toute ethnie. Il y a plein de niches. Il y a aussi du contenu de très très bonne qualité, mais que vous n'allez peut-être pas forcément trouver de manière gratuite. Donc au bout d'un moment, on peut évidemment se plaindre de la diffusion massive gratuite, qui est un vrai problème, je suis d'accord avec ça. Mais quand on parle de qualité, déjà il y a deux choses. Ce qui est esthétique n'est pas forcément excitant. Donc de reprocher à un porno de ne pas avoir une bonne histoire ou de ne pas être très chic, oui, mais en même temps, on parle de l'aspect pulsionnel quand on parle de sexualité. Et pour l'avoir pratiqué en tant que productrice, entre la scène un peu amatrice que je tournais dans ma salle de bain avec mon petit copain et la production un peu où je mettais un peu plus de budget dans une belle maison avec de la lingerie fine, croyez-moi, c'est celle dans la salle de bain qui fonctionnait le plus. Qui était la plus excitante. Mais oui, parce que justement, il y avait tous ces défauts qui faisaient que c'était plus accessible. Et donc voilà. Ludivine Hamel n'a pas l'air d'accord. Non, mais je dis pas que c'est systématique. Je dis juste qu'il faut pas forcément confondre ce qui est beau, esthétique, élégant avec ce qui est excitant. Et souvent, ce qui est excitant, c'est ce qui est justement transgressif, ce qui est interdit, ce qui est un peu sale, parce qu'on se dit waouh, on n'a pas le droit de faire ça. Mais justement, c'est ça qui est excitant. Oui, mais est-ce que le porno est encore transgressif aujourd'hui? Disons que il ne l'est plus de la même manière qu'il l'était forcément dans les années 70. Donc c'est plus évidemment le clivage des classes sociales. Il est transgressif à travers justement probablement les pratiques sexuelles et le côté performance. Et je suis d'accord que c'est une voie qui est un peu on se perd forcément là-dedans. Et nous, en tant que, moi, je parle en tant qu'ancienne actrice, au bout d'un moment, on se retrouve dans des situations qui sont absurdes où ça n'a plus de sens. À force de chercher la performance, on se dit, mais attendez, là, on est dans des spectacles de freak show, en fait. On n'est plus dans la sensation, dans l'exploration de la sensualité. Donc, mais après, je pense aussi qu'on fonctionne par cycle. C'est-à-dire qu'il y a eu la mode des gonzos hardcore, et quand j'ai arrêté ma carrière, je participais surtout à des productions tournées par des femmes et qui me disaient, bon, allez, on va laisser tomber telle position ou telle pratique parce qu'on en a marre. Ce que veulent les gens aujourd'hui, c'est quelque chose de plus réaliste, de plus sensible. Et en tout cas, aux États-Unis, il y avait une vraie demande par rapport à ça. Ludivine Demol, sur la dimension transgressive de porno aujourd'hui. Je suis un petit peu mitigée sur le côté transgressif, parce que mine de rien, on se rend compte que quand les gens ils ont trouvé leur tag, enfin leur mot-clé qui leur plaît sur les plateformes de porno, généralement ils reviennent toujours vers les mêmes. Donc j'ai l'impression que en fait ils sont plutôt dans un petit confort transgressif. Ce serait plutôt dire, hey, je vais aller regarder. Moi, je suis un mec hétérosexuel, puis d'un seul coup, je vais aller regarder du porno gay et je vais aller regarder comment l'autre prend son pied en se faisant prendre. Enfin, ça pour moi, ce serait transgressif. Et c'est pas vraiment le genre de discours qui ressort, quoi. C'est plutôt une fois que j'ai trouvé mes tags et ce qui me plaît, en fait, je reste dedans. Les tags je reste dedans, les tags. Je garde les mêmes mots-clés qui me permettent d'accéder à une certaine pornographie. Et donc, c'est une grande discussion. Il y en a beaucoup qui disent si, c'est transgressif et tout. Je l'entends. C'est plus de la surenchère que de la transgression, oui. En fait. Voilà, mais le côté transgressif, j'ai l'impression justement que non, il faut qu'on soit un peu plus confortable, quoi. Généralement, les mecs expliquent qu'ils sont plutôt rassurés par des pornos non esthétiques. Enfin, on pourra revenir là-dessus, mais et surtout où il y a une répartition genrée extrêmement nette. C'est le mec qui est dominant, actif et pénétrant, et c'est la femme qui est pénétrée, passive et dominée. Enfin, voilà, c'est un truc... quand vous regardez un porno, enfin, le porno dont on parle en tout cas à la télé, un porno hétéro mainstream, celui que vous trouvez majoritairement sur Internet, c'est un truc où, en fait, la répartition des genres, elle est claire et nette. Mm-hmm. C'est-à-dire que... ou alors, il va falloir que vous alliez taper dans des catégories spécifiques où là, on va renverser, où ce sera la femme qui va dominer et l'homme qui va être soumis, etc. Mais le gros du porno, il est... enfin, pour moi, il n'est pas transgressif. Il va faire dans la surenchère, mais il est assez... voilà. Ce qui soulève la question de l'éducation. Alors, si la sexualité peut faire l'objet d'un apprentissage, dans quelle mesure est-ce que la pornographie pourrait pas faire l'objet d'une éducation, voire même imaginer une formation, c'est-à-dire un mode d'emploi. Voilà, en gros, ce qu'il y a comme film porno. Voilà comment ceux qui peuvent correspondre à ce que vous voudriez regarder. La question s'est posée plutôt de manière préventive, à savoir quel est le rôle des autorités, de l'État en particulier, puisque des discours ont été prononcés de la part d'Emmanuel Macron et de Marlène Schiappa à ce sujet, pour savoir comment est-ce que les films porno devraient faire l'objet soit d'une prévention, soit d'une interdiction, soit au contraire les insérer dans un processus éducatif. Écoutez ces trois témoignages. Il y a une loi sur la protection des mineurs dans notre pays. Si vous essayez de distribuer ce genre d'image sur la voie publique, vous n'allez pas le faire plus de 5 minutes, on va vous arrêter. Comment se fait-il qu'on peut le faire sur Internet? Quand je demande aux adolescents pourquoi vous regardez autant ces images, réponse collective, on veut voir ce que les meufs elles aiment. Et la pornographie a une réponse. Une meuf qui dit non, en fait ça veut dire oui. Et d'ailleurs, si on la fait bien jouir, elle s'apercevra qu'elle avait tort de dire non. Les parents sont à 100% d'accord avec ce que je dis. Ils disent, vous savez, éduquer un enfant aujourd'hui, c'est devenu difficile. Nous ne contrôlons pas, nous ne savons pas contrôler. On ne peut pas laisser des enfants prépubères ou même d'ailleurs des enfants, des jeunes adolescents avoir comme seule représentation de la sexualité une représentation de pornographie. Et nous allons exiger de la part de celles et ceux qui produisent, qui mettent en ligne en tout cas ces contenus, qu'il y ait des filtres très importants. Nous sommes prêts avec Jean-Michel Blanquer, avec Mounir Majoubi, avec Agnès Buzyn, tous les ministres concernés, nous sommes prêts à aller très loin, à être très fermes pour faire en sorte que ce ne soit pas à libre disposition des enfants. C'est extrêmement choquant et préoccupant, c'est un sujet de santé publique. C'est écrit dans la loi sur l'économie numérique, les sites commerciaux pornographiques doivent être capables, avant la fin de l'année, de vérifier efficacement que leurs utilisateurs ont au moins 18 ans. L'idée a été lancée par le gouvernement après la publication de plusieurs études. Au Royaume-Uni, un enfant sur cinq a déjà vu au moins une fois un contenu qui l'a choqué sur Internet. L'entreprise MindGeek, propriétaire des sites X les plus importants, a développé un outil pour vérifier les données d'état civil des internautes. D'autres systèmes pourraient utiliser les numéros de cartes de crédit ou proposer des achats de codes d'accès en magasin. Mais les associations de défense des libertés civiles comme Open Rights Group disent leur inquiétude. D'abord parce que beaucoup de Britanniques n'ont pas envie que leur identité soit associée à leurs fantasmes. Ensuite, parce que cette régulation pourrait créer un précédent. Le gouvernement pourrait être tenté d'interdire aux adolescents les sites qui parlent de suicide, d'anorexie ou de politique. Si la pornographie n'est plus jugée transgressive par les adolescents, les parents, eux, sont très inquiets. Vous venez d'entendre tour à tour Israël Nizan, le gynécologue, Marlène Schiappa, puis le journaliste Antoine Gignot. Faut-il ou non contrôler l'accès aux films porno aujourd'hui, Ludivine Demol? Déjà, il serait bon de savoir un peu quels sont les jeunes qui sont effectivement choqués par ces images. Donc, une enquête qui nous donne un chiffre, c'est l'enquête We Kids Online qui est parue en 2011 et qui a interrogé des jeunes et des parents à travers 25 pays de l'Europe. Et on s'est aperçu que je crois que c'est moins de 10% des jeunes sont traumatisés par les images pornographiques qu'ils ont pu voir. Donc déjà, ça remet un peu dans son contexte. En fait, il n'y a pas tant de jeunes que ça qui sont traumatisés par les images. Moins de 10%? Moins de 10%. Bah, ça fait quand même moins de 10%. C'est pas le nombre qui compte, si. Non. Mais par contre, ce qu'on s'est rendu compte également, c'est qu'en fait, ces jeunes étaient déjà dans des situations problématiques, c'est-à-dire avec des rapports aux images qui étaient un peu faussés, etc. Donc en fait, le problème, c'est pas forcément la pornographie, c'est la façon dont ils abordent les images en général et les contextes de violence dans lesquels ils sont déjà impliqués. Donc ça, c'est le premier point. Et le deuxième point, après, sur toute la notion de contrôle, enfin, c'est quelque chose qui m'angoisse, moi, ouais. D'entendre à chaque fois, il faut contrôler les jeunes, mais vous comprenez que les parents sont angoissés. Les parents sont angoissés. Donc, en fait, on reconnaît qu'il y a déjà une angoisse à être parent. Enfin, il y a aussi des questions de l'autre côté. Pourquoi est-ce qu'on veut absolument contrôler ces jeunes, les écrans et ce qu'ils y voient? En fait, qu'est-ce qu'on voudrait leur mettre à la place? Enfin, j'ai du mal à comprendre, en fait, pourquoi est-ce qu'on veut absolument contrôler à tout point la représentation des sexualités à l'écran sur les jeunes? Qu'est-ce que ça vient cacher dessous, le fait qu'il faille absolument surveiller et contrôler les jeunes, quoi? Est-ce qu'il n'y a pas aussi, je le pose comme une question rhétorique, mais en fait j'en suis un peu convaincue, cette volonté absolue de contrôler les jeunes qui n'est pas nouvelle, hein. On le voit avec la pornographie, avec les jeux vidéo, avec les téléphones portables, etc. En plus, avec cette espèce d'idée que les jeunes en savent plus que les parents sur Internet, c'est-à-dire que en fait ils sont beaucoup plus experts que leurs parents, donc ça fait une angoisse supplémentaire pour les parents qui, généralement, sont censés savoir plus de choses sur le monde que leurs enfants. Et là, on arrive sur un terrain où, en fait, non, c'est les jeunes qui en savent plus que leurs parents. Donc voilà, il y a cette notion de contrôle qu'on retrouve et qui, pour la pornographie, a toujours été extrêmement centrale. Il y a une petite histoire que je trouve extrêmement illustratrice de ça. C'est fin 19e siècle, on est en train de faire des fouilles à Pompéi et on tombe sur des artefacts avec des représentations sexuelles. Et là, c'est un peu le drame. Qu'est-ce qu'on va faire de ces choses-là, tout ça. Bon, bref, on décide d'enfermer ça dans une petite salle d'un musée secret à Naples. Et en fait, les seules personnes... Non. Les personnes qui ne sont pas autorisées à entrer dans cette salle sont les femmes, les enfants et les pauvres. Donc on voit bien en fait qu'il y a cette notion de contrôle qui revient systématiquement sur les publics. On peut aussi pointer du doigt pour les anti-porno par exemple. Quand des personnes anti-porno regardent des pornes pour montrer à quel point c'est néfaste et c'est pas bien, eux par contre ils sont absolument pas touchés par les effets néfastes des films qu'ils sont en train de regarder. Donc voilà, il y a cette espèce de question morale. Pour moi c'est vraiment une question morale, hein, la pornographie. Et qui ne se pose pas, selon vous? On n'a pas à juger ce que c'est bien ou mal. C'est pas qu'elle se pose pas, c'est que pour moi, la façon dont on la pose est problématique. Parce qu'en fait, on dit pas que c'est une question morale quand on veut faire en sorte qu'il y ait qu'une seule représentation de la sexualité envers les jeunes. Mais en fait, il y a une question morale de qu'est-ce qu'on veut leur transmettre. Est-ce qu'on veut bien leur parler de désir? Par exemple, on leur parle jamais de désir et de plaisir. C'est des choses qui sont pratiquement absente du discours sur l'éducation à la sexualité. C'est ça, donc il y aurait une forme d'initiation dans l'éducation à la sexualité que pourraient dispenser des instances publiques. Oui, par exemple, mais dans ce cas, il faudrait arrêter par exemple d'avoir un discours uniquement médical, uniquement tourné autour du VIH, IST, ce qui sont des choses très importantes, hein, qu'on s'entende bien, et de la contraception, mais en fait, on ne parle jamais du désir, on ne parle jamais de plaisir, c'est des choses qui sont assez absente en fait. Céline Tran, cette question de l'accès. Là aussi, il me semble que c'est en train de bouger parce que Marlène Schiappa évoquait un nouveau programme d'éducation à la sexualité et qui puisse aussi parler de l'aspect relationnel. Là, dernièrement, j'étais à une conférence organisée par l'UNESCO au ministère de la Santé, justement, qui abordait toutes ces problématiques et qui insistait justement sur le fait de parler aux jeunes de plaisir et pas simplement de l'aspect danger, prévention, qui est essentiel, bien sûr. Mais la meilleure manière de toucher son public, c'est de l'interpeller dans sa pratique aussi personnelle et d'être un peu concret. Donc je disais tout à l'heure que quand j'étais actrice, je ne comptais pas du tout être modèle. Et puis finalement, au bout d'un moment, je me suis rendu compte que j'avais, que je le veuille ou non, un impact et donc une forme de responsabilité puisque des gens viennent me contacter. Parfois, ce sont des ados. Et alors, c'est pareil, j'ai pas du tout envie dit d'être alarmiste, mais je pense qu'effectivement, bah, ces images, tout comme les images qu'on peut voir aussi sur YouTube ou dans les fictions ou les blockbusters américains, les films d'horreur, toutes ces images-là ont un impact sur nous, sur notre imaginaire. Et ce qui m'intéresse, moi, c'est de parler justement bah, des solutions. C'est-à-dire qu'on a ce constat-là, en effet. Je pense que c'est pas sur, c'est surtout sur la diffusion qu'on doit être vigilant. Après, pour les pratiques sexuelles et pour le côté parfois avilissant. Bon, moi en tant qu'actrice, j'ai adoré jouer les objets, donc c'est pas moi qui vais dire je n'ai pas aimé jouer à ça parce que encore une fois c'était un jeu. Maintenant effectivement, il y a une différence entre vivre quelque chose et puis le regarder, être extérieur et ne pas avoir les clés pour le comprendre. Mais plus largement, il me semble que c'est surtout le rapport au corps qui est important et c'est là où justement dans l'éducation. En tant qu'adulte, on n'a pas à contrôler et à dire il faut pas faire, mais plutôt d'encourager l'enfant à s'épanouir et à instaurer un dialogue, parce qu'effectivement, bien souvent, des parents ne sont pas confortables eux-mêmes avec leur propre sexualité et ils vont souvent transposer leur propre peur sur leur enfant. Et c'est naturel, en fait. Je ne suis pas parent, donc j'imagine que ça doit être très délicat. Et c'est là, justement, que l'éducation nationale, que peut-être des personnes qui sont expertes dans ce domaine ou des médecins ou des voilà tout un relais peut servir de lien qui peut s'adresser en fait aux jeunes et leur donner des clés là-dessus. Et qui inclurait la pornographie. Oui, qui inclurait la pornographie. Après, il faut s'adapter aux âges, bien sûr. On va pas parler de la pornographie à des gamins qui ont 6 ans en fait. On peut parler de sexualité, on peut commencer à l'évoquer, mais en s'adaptant. Je ne suis pas psy, mais c'est là justement qu'il faut s'adapter à l'âge, utiliser le vocabulaire qui pourra être compris, mais pour amener un épanouissement. Et c'est ce qui empêche justement ensuite d'être confronté à des problèmes de consentement. Vous avez prononcé le terme. C'est très difficile aujourd'hui d'essayer de penser une intégration possible des films porno dans une éducation sexuelle, alors que nous sommes par ailleurs, vous parliez de Marlène Schiappa, qui combat par ailleurs pour essayer d'instaurer des lois protégeant les femmes dans des activités sexuelles pour lesquelles elles ne seraient pas consentantes. Ah oui, déjà, dans la littérature, on a du mal à faire la différence, mais entre un film porno et la réalité, c'est encore plus vrai. Bien sûr. Et le consentement, parfois, il est aussi très flou, parce que quand on ne connaît pas son corps, quand on ne sait pas soi-même ce qu'on aime, et souvent c'est le cas quand on est adolescent ou qu'on se découvre, comment est-ce qu'on est apte à dire non ? Puisque on est dans l'exploration, donc il y a toujours une prise de risque dans une rencontre. Il faut l'accepter, il faut en prendre la responsabilité, mais il faut aussi savoir apprendre à se connaître pour prendre confiance et à un moment donné dire non, je ne veux pas. Et c'est là que ça arrive dans les films porno, ça. Bien sûr, un non qui est respecté. Bien sûr. Ah non, mais c'est l'industrie du porno n'est pas une industrie du viol ou de l'esclavagisme sexuel. Il y a des déviances, c'est vrai. Mais moi, là, dernièrement, on m'a proposé de participer à une émission de télé en me disant, voilà, on aimerait parler du non-respect du droit du travail sur les tournages porno amateurs. J'y m'attendais, vous écoutez parler, vous me parlez du porno amateur, non professionnel. Pourquoi vous me parlez du tournage de madame qui va chez un parfait inconnu et qui va se plaindre d'avoir été abusée? Ça n'a rien à voir avec l'industrie du X, qui est l'industrie professionnelle. Je parle de l'industrie que j'ai connue. Je parle du scénario des films. Est-ce que dans les scénarios, il y a des cas où une personne, la femme, va dire non, je ne veux pas, et où l'homme respecte ce non? Bien sûr. Oui, j'en ai vu un récemment. C'était un film qu'avec des femmes. Alors, je suis désolée, c'est un film de Carmina. Je me rappelle plus du titre exact de son nom. Et en fait, je spoil tout, c'est horrible. Je suis désolée. Et en fait, elle dit non. Finalement, je crois que ça va pas le faire. Et elles lui disent toutes, écoute. Ok, c'est cool, il y a pas de souci. Salut, bonne journée. Enfin, j'exagère, mais il y a vraiment ce truc. J'avoue que c'était rafraîchissant. Donc oui, ça existe pour le coup. Après, il y a une forme de pression, c'est vrai, parce qu'on mine de rien, on a signé un contrat, on est là pour travailler. Donc moi, ça m'est arrivé effectivement de me dire, waouh, ça va être chaud. Mon corps n'est pas prêt, j'en ai pas envie, c'est difficile. J'en parle aussi dans mon bouquin où, du coup, j'ai envie d'être professionnelle. Et là, c'est uniquement une histoire de ma conscience professionnelle où je vais peut-être parfois me forcer à faire quelque chose, mais c'est ma responsabilité. Et il y a eu des fois où j'ai dit non, et il y a eu des fois où vraiment j'étais crevée, et c'est où le producteur ou le réel qui va dire, tu sais quoi, rentre chez toi, va te reposer, c'est pas grave. Et tout va bien. Mais en fait, le plus important, encore une fois, c'est de savoir parler en son nom et de savoir dire oui, et un oui qu'on va dire pleinement. Je m'engage pour faire quelque chose, je le vis pleinement, avec sa part de risque, avec sa part de déception, sa part parfois de que ce soit dans le privé ou dans le professionnel. Ok, j'accepte que ça soit pas super, j'accepte parfois que ça soit un peu douloureux, j'accepte que ça soit génial et que ça aille au-delà de ce que j'attends. Et en revanche, c'est bah non, c'est non. Mais vous êtes en âge de pouvoir formuler oui ou non, l'inquiétude des parents concerne ceux qui, au contraire, sont trop jeunes pour pouvoir dire oui, je suis prêt ou prête à regarder ça ou pas. Au fond, il y a le vieux fantasme d'une sexualité qui est toujours dangereuse derrière ça. Mais la question se pose quand même. Peut-être y a-t-il un âge en dessous duquel il ne faut pas regarder de porno, qu'en pensez-vous, Ludivine de Mol? Bah oui, je pense que déjà, il va pas un enfant ne va pas comprendre grand-chose s'il est trop jeune. Bah aujourd'hui, il peut. C'est ça la question de la régulation nécessaire de l'accès au porno. Oui, je trouve que la question, elle est un peu bizarre. Il peut aussi boire de l'alcool s'il ouvre le placard de chez ses parents. Donc, en fait, j'arrive pas à comprendre le sens de la question, je crois. Tout simplement prendre en compte un sujet qui n'est pas en âge de pouvoir, comme vient de le dire Céline Tran, décider en toute connaissance de cause de dire oui ou de dire non à une situation qu'il vit. Un enfant qui ne sait pas en allumant la télé ce sur quoi il va tomber, s'il tombe sur un film porno, peut être pris au dépourvu. On n'est pas obligé de parler de pornographie dans ce cas-là. On peut parler. Non, c'est juste le sujet de l'émission. Non, mais bien sûr, c'est avec l'alcool. Ce que je veux dire, c'est que pour parler d'éducation sexuelle, on n'est peut-être pas obligé de parler de pornographie. On peut parler déjà de déculpabilisation de l'exploration de la sexualité, parce que c'est un truc surtout sur le corps des femmes. Enfin, les filles, faut pas trop qu'elles se masturbent, faut pas trop qu'elles aient de. Et il y a aussi des normes contraires qui veut que les filles, faudrait qu'elles soient absolument libérées, etc. Enfin, on est des femmes, on aime bien vivre avec plein d'injonctions. Enfin, on n'aime pas ça, mais on n'a pas le choix. Y en a qui aiment ça, peut-être. Oui, il y en a qui. Oui, bien sûr. Mais c'est juste que c'est pas évident, on va dire, entre faut pas trop être une pute, mais il faut pas non plus être trop sage. Pardon pour le langage. Hein, j'aime pas en plus utiliser ce mot-là, mais c'est évidemment le discours qui est renvoyé aux jeunes filles. Et le deuxième truc qu'on peut faire aussi, c'est apprendre à reconnaître les enjeux de domination. Enfin, quand on force un enfant à faire la bise à quelqu'un. Bah, quelque part, en fait, on lui apprend que son corps, il n'est pas vraiment à lui et qu'il y a des choses, il doit les accepter, même si c'est son corps. Donc, je sais pas, on pourrait peut-être commencer aussi par là, par apprendre à... alors, ça fait grand mot quand je dis les enjeux de domination, mais déjà, il faut se rappeler que à l'intérieur des couples, donc je parle surtout hétérosexuel puisque c'est là où j'ai les chiffres, il y a des enjeux de domination qui sont importants avec des pressions, etc., etc. Par exemple, les jeunes filles n'envoient pas des photos de leur sein ou de leur face à n'importe qui. En revanche, quand elles sont en couple, elles les envoient beaucoup plus facilement. On voit bien que d'un seul coup, elles sont beaucoup moins... On parle d'agentivité sexuelle qui se réduit et elles ont beaucoup moins... elles sont beaucoup plus sous pression amoureuse avec cette idée amoureuse que quand on aime, eh bien, on dédie sa sexualité à l'autre. Un grand merci à toutes les deux d'être venues parler de pornographie ce matin à ce micro. Merci. Merci. On se quitte en chanson avec Brigitte, I Want Your Sex. Oh yeah. There are things that you guess and things that you do. There's boys you can trust and girls that you don't. There's little things you hide and a little thing that you show. Sometimes you think you're gonna get it, but you don't. That's just the way it goes. I swear I won't tease you, won't tell you no lies. Don't need nobody, just look in my eyes. I've waited so long, baby, now that we're friends. Every man's got his patience. Sur France Culture, les chemins de la philosophie, il est temps de retrouver le journal de la philo d'Anastasia Colosimo. On n'est pas là pour philosopher, Carpentier. Quand même. Incroyable. Bonjour Anastasia. Bonjour Adèle, bonjour tout le monde. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler d'un livre de François-Xavier Bellamy, qui paraît cette semaine aux éditions Grasset. Demeure, pour échapper à l'ère du mouvement perpétuel. François-Xavier Bellamy est professeur de philosophie en Cagne et adjoint au maire de Versailles. Il est aussi l'auteur d'un essai passionnant sur la crise qui touche l'éducation, les déshérités ou l'urgence de transmettre, paru aux éditions Plomb en 2014. Avant d'en venir à sa nouvelle publication, je me permets de faire un peu de publicité pour son association Filia, qui organise tous les lundis des soirées de la philo de 20h30 à 22h au Théâtre Saint-Georges à Paris. Chaque lundi soir, François-Xavier Bellamy consacre 1h30 à une question précise ou à un auteur. Le tout forme 2 cycles complets qui permettent de vivre ou revivre une véritable expérience de la philosophie. Je vous laisse vous rendre sur le site de l'association pour de plus amples informations. Mais revenons à l'essai « Demeure » pour échapper à l'ère du mouvement perpétuel que François-Xavier Bellamy publie cette semaine chez Grasset. L'ouverture est magistrale et constitue un véritable morceau de bravoure littéraire sous forme d'hommage à Saint-Exupéry. En revenant sur la fascination adolescente pour la vitesse du poète aviateur, Bellamy explore la séduction destructrice du mouvement perpétuel, ce trait caractéristique des temps modernes. Je cite « Être plus rapide, changer, s'adapter, innover, toujours plus et toujours plus vite. Le but du changement est moins important que le fait de se transformer. La destination importe moins que le fait même de voyager. Vivre suppose de bouger. La nouveauté est bien en soi. Ce qui compte, c'est d'être disruptif, qu'importe l'objet de la rupture. Être en mouvement est la vertu du moment. Être dynamique, littéralement. Être mobile, souple, flexible. » C'est en partant de cette véritable méditation métaphysique sur le mouvement comme seul principe d'existence que Bellamy nous embarque dans une exploration philosophique magistrale, à la recherche du temps gâché, à suivre le mouvement et ne pas chercher du sens. La question pourtant n'est pas nouvelle. Comme tout voyage philosophique qui vaut la peine, celui-ci commence au présocratique, au débat originel qui oppose au VIe siècle avant Jésus-Christ, Parménide, le penseur de l'immobilité et de la stabilité de l'être, à Héraclite, le défenseur du mouvement, de la mobilité, du changement permanent. Absolu de l'être contre relativisme de la mobilité. Bellamy semble avoir depuis longtemps choisi son camp. Mais le voyage continue et apparaît Aristote, qui par un coup de génie métaphysique réconcilie les deux positions contradictoires en distinguant ce qui est en puissance et ce qui est en acte. La solution aristotélicienne s'impose pendant plusieurs siècles en pénétrant la théologie occidentale. Ce n'est qu'à la Renaissance, à travers les révolutions scientifiques de Copernic et Galilée, que le bel édifice va se fragiliser pour accoucher de la modernité et au triomphe a posteriori d'Héraclite. Or, si tout s'écoule, il n'y a désormais plus de lieu qui puisse constituer un but pour le mouvement. La crise de la modernité est là. C'est une crise intérieure, sourde, globale. Rapidement, le mouvement devient la valeur suprême. Et le voyage continue. Hobbes, Machiavel, Hegel, Kant, même chez les plus résistants, le mouvement devient loi. Notre attention ne doit plus se porter sur l'être, mais sur le passage. Ce qui avance est préférable à ce qui est immobile. Le progrès s'installe peu à peu comme nouvelle religion. Pour Bellamy, cette passion moderne pour le changement est une forme de ressentiment, au sens nietzschéen, compris comme un refus d'accepter que les choses soient telles qu'elles sont, une incapacité maladive à accepter le réel et à le reconnaître. C'est au prisme de ce grand voyage que Bellamy propose de lire « La crise systémique qui traverse notre époque ». Il faudrait déconstruire notre fascination pour le changement, pour sauver la possibilité du mouvement. Habiter le monde et ne plus s'y abriter. Sortir du monde liquide et lui redonner corps. Le plaidoyer de Bellamy se résout d'une manière fulgurante. Il y a urgence à réenchanter. C'est la poésie qui sauvera le monde. Comme tout voyage littéraire qui vaut la peine, celui-ci se termine en Grèce, au bord de la mer Ionienne. Heureux qui, comme Ulysse, a fait un beau voyage. François-Xavier Bellamy nous y invite. Il nous faut retrouver notre Ithaque. En attendant de la retrouver, lisez « Demeure » pour échapper à l'ère du mouvement perpétuel, paru cette semaine chez Grasset. Merci beaucoup Anastasia, votre chronique est à réécouter en ligne sur le site du journal de la philo. Un grand merci à l'équipe des Chemins de la Philosophie qui rend chaque jour cette émission possible, et en particulier l'émission du jour. Un grand merci à Anaïs Isbert et Isis Jourda, Philippe Baudouin qui réalise cette semaine et cette émission donc, en compagnie de Marie Simon, Colomba Grossi, Sharon Houry et Géraldine Mosna-Savoie. À la prise de son, c'était Jacques Hubert. Aujourd'hui, on se retrouve demain pour les Chemins du Vendredi qui vous proposent chaque semaine des grands entretiens avec ceux qui font vivre la philosophie et qui en ont fait leur métier. Et bien demain, nous serons en compagnie de la philosophe Manon Garcia. D'ici là, pour écouter cette émission ainsi que cette série sur la pornographie, c'est très simple, rendez-vous sur le site de France Culture à la page des Chemins de la Philosophie. Vous pouvez réécouter les émissions en ligne, sans censure, et les podcaster, les télécharger afin de les écouter où vous voulez et quand vous voulez, avec qui vous voulez, ça vous regarde. Rendez-vous également sur les réseaux Facebook, Twitter et Instagram, où nous attendons vos remarques et commentaires. Allez, on se retrouve demain à 10h. Mais d'ici là, restez à l'écoute sur France Culture.